temps-ci, j'ai du mal à compter les moutons. Des loups me tournent autour. Beaucoup de ceux qui me baissent la main veulent me baiser tout court. Je recoule avec mon calme, de peur qu'un gun me fasse la cour. Qu'un coup pas, ma haine a trop envie de leur faire l'amour. En tout cas, si un jour t'as la clé qu'ouvre mon cœur, tu verras des photos de ma mère tapisser le décor. Tu verras mes frères et sœurs avec le front au sol, aligné derrière mon père et une grosse boussole. Tu comprendras pourquoi mon cœur est solide. Il tient sur cinq piliers, car j'écris Dieu sans X. Tu verras aussi un coin triste avec des tas de cadeaux pour un fils né sous X. La musique de fond est celle du ghetto. Mon rap est lingo au pied de mes César et Matteo. Les futurs disques d'or, là suis-je allé à Emino. Et dans un coffre fort, ceux de Vincia et d'Alonso. Dis-toi Alex, pour toi je tue. Si Naya se casse un ongle, les hôpitaux m'appelleront John Q. Pour eux frère, je mets mon bic au fond de ma gorge et ma gerbe se vend à des milliers d'exemplaires. Je suis pas là pour te plaire, nah. Si tu cherches de la caille, ne compte pas sur mon flair. Sauf si tu pètes tous les cadenas de mon cœur. Et là je te jure, ton ennemi aura des trous dans le corps. Pour toi je tue. Malgré le calibre sur la tempe, pour toi je tue. Tu seras le premier à l'entendre. Pour toi je tue. Touche pas à la maman, touche pas à la mourelle, touche pas à la familia. Pour toi je tue. Si t'as les clés de mon cœur, ton ennemi aura des trous dans le corps. Pour toi je tue. Avec les dents, moi je t'arrache, t'as moi l'épinière. Si tu oses faire du mal à mon sang, j'irai au bout, j'irai au funèbre. Libérer mes angoisses maladives, j'te jure. Le poids de ma déprime dans tes artères se voit au scanner. Touche pas à la mama, touche pas à l'amour, elle. Bouge pas l'arrivée d'amour qui m'hydrate dans mon Sahara. Touche pas à mon autre, j'ai l'odorat. Sous vodka ou pas, dans ton mariage, j'aurai tout sous le blazer. J'suis pour mon grand frère, quoi. Les gènes, c'est l'hygiène vitale, quoi de plus propre que la chair de mon cher. J'suis pour ma Kenza. J'brûle ce futur gars qui l'enlèvera de chez moi pour lui faire vivre un enfer. Sûr que j'l'encule, fiston, j'espère que tu auras la vie longue. Si t'accélères, cache ton matricule, la mort flash le vieux comme le môme. Et si l'être humain te barre la route et que tu frappes, j'm'enlèverai membre par membre pour te rendre intact, j'te jure. Pour toi j'tue, pour la famille Kennedy j'tue. C'est mes cousins qui me laveront le corps à la morgue. À m'entendre, on pourrait croire que j'fais le fou, mais qui ne laisserait pas ma femme veuve si j'joue avec ses couilles. T'amuses pas avec mon équilibre, c'est encore pire que de m'uniquer des sous à pailleur, le frigo vide. La famille, c'est la santé, l'oxygène et la bouée. Tu pour un jaé, même moyen. Pour toi, je tue. Malgré le calibre sur la tempe, pour toi, je tue. Tu seras le premier à l'entendre. Pour toi, je tue. Touche pas à la mama, touche pas à l'amour, elle. Touche pas à la familia. Pour toi, je tue. Si t'as les clés de mon cœur, ton ennemi aura des trous dans le corps. Pour toi, je tue. Tu veux savoir sur qui je compte? Peu d'hommes, sur quoi je me base, que dalle. Le seul corps sur qui je repose est celui de ma daronne. Aucune banque, car on connaît qu'une planque sur peu d'hommes. Car y'a toujours un inculé derrière ton ombre. Tu veux savoir qui sont mes gars? Psychas. Pour qui je me bats? Section Hunter et tous les rescapés du plan down. Y'a peu de gens pour qui je tue, au cas où tu le saurais pas. Car la confiance de certains frères m'a mis une droite KO. C'est dur, tu sais, dur de se relever. Car l'amour est mort et qu'on flirte avec le silence. Et s'il existe une porte sortie, prends-la s'il te plaît. Car j'ai peur de me faire avoir par les remords. Tu sais, j'ai peur de voir partir les miens. T'as dû comprendre et l'entendre, ils sont ma roue de secours. Malgré le calibre sur la tempe, pour toi j'tue. Pour toi, tu seras le premier à l'entendre. J'tue, j'tue pour toi quand pour moi t'as sorti le calibre. J'tue pour celle qui pour moi a l'amour au bout des lèvres. J'tue, j'tue pour celles et ceux qui sont restés les mêmes. T'entends, à mes frères de lune qui sont restés les mêmes qu'avant. T'entends, j'tue pas pour toi, pas c'est mon pote. Même quand tu me tendais la patte, c'est juste qu'en embrouille tu fais la pute. Putain, y'a peu de gens pour qui j'tuerai. Comme j'te l'ai dit, ici t'as pas d'amis, rien que des associés. Pour toi j'tue. Malgré le calibre sur la tempe, pour toi j'tue. Tu seras le premier à l'entendre. Pour toi j'tue. Touche pas à la mama, touche pas à l'amour, elle. Touche pas à la familia. Pour toi j'tue. Si t'as les clés de mon cœur, ton ennemi aura des trous dans le corps.